dans lequel nous vivons, et qui donne à peu près, si vous voulez, la même consistance, je dirais, anthropologique, inversant toutes sortes de perspectives, à l'expérience qui consiste à interpréter un rêve sous transfert ou à raconter un rêve sous transfert. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que ça va beaucoup plus loin que ce que Freud aurait soupçonné ou voulu, parce que ce que j'ai, le point sur lequel je me suis arrêté la dernière fois, je vous le rappelle, c'était ce qui a complètement disparu après Freud. Alors soit ça c'est parti dans la psychologie empirique et ça s'est dissous et ça n'a jamais donné de suite, soit ça a été complètement enlevé de la réflexion sur le rêve, qui était l'idée que l'interprétation qu'on donne d'un rêve, en tant que ce rêve, l'interprétation débouche sur un désir inconscient, c'est que ce désir inconscient, on lui demande aussi d'être l'agent causal de la production d'un rêve et de rien d'autre qu'un rêve. D'un rêve et pas d'une angoisse, d'un symptôme, d'une phobie, de quelque chose ou d'un délire, mais d'un rêve. Et que y a double enquête qui est constamment menée sur le sens du rêve, sur le sens du rêve comme amenant un désir, et sur la capacité de ce désir à produire une imagerie onirique tout à fait particulière. Ainsi, le sens du rêve est rapporté au fait que le désir inconscient qui en donne le sens est aussi la cause de l'imagerie onirique dans laquelle consiste ce rêve. Effectivement, c'est quelque chose qui a entièrement disparu des approches herméneutiques ultérieures. C'est pourquoi un désir inconscient, dans ce cas, a produit plutôt un rêve qu'un symptôme, plutôt un rêve qu'un délire, par exemple. Plutôt un rêve qu'un mot d'esprit. Bon. C'est particulièrement sensible dans les approches lacaniennes de la chose. Et il ne faut jamais oublier ainsi que l'appareil psychique du chapitre 7 de la Traumdeutung est un appareil psychique qui, même s'il a été récupéré formellement, par exemple par Lacan, mais aussi par certains côtés chez Bion, sa fonction n'est pas d'expliquer le rêve en général, ou les rêves en général, ou le fonctionnement du psychisme en général. Sa fonction est d'expliquer pourquoi ça produit des images oniriques, et des images qui sont oniroïdes, puisqu'il semble bien que Freud lui demande aussi d'expliquer l'hallucination visuelle hystérique, qui est une hallucination dont j'ai parlé la dernière fois. Et ainsi, ce que Freud semble avoir voulu marier, c'est pas tellement, comme on le lui a reproché après, la question du sens du rêve et la question de ce que le rêve est capable de causer comme événements mentaux, comme imagerie onirique, etc. Ce que Freud semble avoir voulu approcher par cette espèce de prise en tenaille du côté du sens du rêve, désir inconscient, et du côté de l'effet causal du désir inconscient produisant des images, c'est la vie psychique. C'est son entrée dans la vie psychique en tant que vie psychique, ce qui est tout à fait autre chose, vous voyez, qu'une théorie générale de l'interprétation du rêve, du mot d'esprit, du symptôme, etc. Il y a une tentative d'approcher de ce qui vit dans le psychisme. Alors, cette réalité psychique, quand j'avais écrit mon bouquin sur la Traumdeutung, je l'avais prise d'un tout autre côté. Je crois que c'est ça que je vais essayer d'approcher aujourd'hui, c'est d'une manière assez, vous allez voir, étrange et paradoxale, c'est une difficulté, ce que c'est que cette réalité psychique. Je vous l'avais dit la dernière fois, une des conséquences épistémologiques sur lesquelles beaucoup d'encre a coulé, puisque c'est... Il y a eu au moment des grands débats épistémologiques contre Freud dans les années 90, toute une littérature écrite là-dessus, c'est que l'idée qui semble découler naturellement des axiomes de Freud, c'est que si on lève un refoulement, on devrait supprimer, on ne devrait pas simplement donner le sens d'un rêve ou d'un symptôme, on devrait non seulement supprimer le symptôme, mais supprimer aussi le rêve. Ou éventuellement le mot d'esprit, etc. Et que donc, on devrait avoir cet effet tout à fait particulier, selon lequel l'interprétation du rêve aboutit à l'élimination de l'activité psychique onirique. Au sens où c'est ça. Alors, c'est quelque chose qui paraît comme ça extravagant, mais que Bion affirme très fortement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le rêve, il y a une ambiguïté du rapport qu'on explorera une autre fois, mais chez Bion, il y a bien cette idée qu'au fond, rêver, c'est déjà quelque chose qui ne va pas. Normalement, il ne devrait pas y avoir de rêve. Et que ça, c'est quelque chose de tout à fait singulier. Parce que d'un autre côté, il dit, ce qui caractérise la psychose, c'est que non seulement les gens ne peuvent pas rêver, mais ne peuvent même pas dormir. Donc on ne sait plus très bien sur quel pied danser, mais Freud et Bion semblent bien partager cette inquiétude pour le caractère réel, les altérations causales, les transformations substantielles de cette réalité psychique due dans le rêve. Alors, je voudrais essayer ce soir de mettre ensemble deux choses que je n'avais jamais réussi à mettre ensemble, qui sont des tentatives de décentrer complètement nos certitudes à l'égard de l'activité onirique. Et en particulier, alors, deux choses. La première, ça va être une analyse extrêmement logique, grammaticale, du verbe désirer et de ses connexions avec le verbe rêver. C'est une pratique auquel je me suis déjà livré d'analyse logico-grammaticale qu'on trouve dans la philosophie analytique, notamment celle du langage ordinaire, et dont Gilles Deleuze donnera un exemple très détaillé quand il viendra parler de Malcolm et de Dreaming de Malcolm. Là, vous êtes dans ces analyses. Donc là, je vais travailler un peu sur le désir comme attitude propositionnelle, c'est-à-dire c'est une certaine manière de se rappeler, de se rapporter à ses contenus mentaux. Et je vais essayer de vous montrer que une des grandes difficultés pour penser le désir, ou si j'ose dire le désir pur, c'est de se délivrer d'une analyse de l'activité mentale qui est centrée essentiellement sur la croyance, la cognition et le savoir. Que ça pose des problèmes qui sont tout à fait originaux. Et qu'entrer dans cet espace où il n'y a que du désir aboutit à penser le désir en termes essentiellement projectifs. C'est quelque chose qu'on voit très bien chez Lacan, lorsque Lacan rappelle constamment que ce qu'il attrape sous le chef du désir, c'est le désir de désir. C'est le désir de désir dans une relation imaginaire, qu'il rapporte à l'interprétation cogévienne de la lutte à mort entre le maître et le serviteur, mais que vous trouvez évidemment aussi complètement engagé chez Bion, dans la notion de projection et d'identification projective. Ce que je voudrais essayer de montrer, c'est pourquoi le désir, interprété dans sa grammaire, sa logique interne propre, se démarque de ce qu'on peut déduire classiquement de l'analyse des états mentaux centrés sur la croyance ou la conscience ou le savoir, etc. Et la deuxième chose, c'est de vous montrer que, pour des raisons que je ferai émerger progressivement, cette pensée du désir entre guillemets pur, d'un désir qui ne serait dissocié du primat ou du privilège accordé aux états mentaux de nature cognitive. Renvoie littéralement à des formes de vie, des rapports très spécifiques entre les êtres humains, pour lesquels on a absolument besoin d'un ancrage anthropologique. Il existe en effet, c'est pour ça que je suis venu avec ce fameux livre d'Eduardo Viveiros de Castro, La From the Enemy's Point of View, il existe quelque chose qu'on appelle le perspectivisme amazonien, qui est beaucoup plus qu'une théorie de la nature, de l'homme et de la société, ou même qui n'a rien à voir avec une théorie de l'homme et de la société, et qui est une modalité d'organisation sociale et de cosmologie. Je dis ça en première approche, ensuite je vous montrerai que même les notions d'organisation sociale et de cosmologie basculent, puisqu'elles sont beaucoup trop de l'ordre de la théorie du savoir, dans lesquelles des sociétés humaines, notamment les toupies guarani du bassin amazonien, ont construit une forme de vie, un rapport à l'animalité, à la chair, au cannibalisme, à la mort, au dieu, qui, au corps, au rêve, au chamanisme, à la chasse, à tout un ensemble de données de leur existence de chasseur-cueilleur, encore que plante aussi du maïs, ces toupies guarani-là, qui est inverse, mais complètement, mais pas simplement nos concepts, l'idée même de penser avec des concepts, l'idée même de vivre avec des concepts, et donne à la projection, c'est un univers qui repose sur la projectivité. Bon, je montrerai pourquoi. Et la question de ça se pose alors de savoir jusqu'où ce que nous faisons ou ce que nous expérimentons de manière si troublante lorsque nous, dans nos expériences de rêve en analyse, dans ces dimensions transférentielles, dans quelle mesure ça ne fait pas ressurgir en nous avec une étrangeté extraordinaire par rapport à notre moi officiel, un monde totalement différent de celui qu'imposent les cadres occidentaux de la conscience, de la perception de soi, du partage entre l'esprit et le corps, soi et autrui, la culture et la nature, le réel et l'imaginaire, etc. Comment justement, la difficulté qu'il y a d'entrer dans l'expérience du rêve et dans l'expérience transférentielle du rêve ne réclame pas qu'on se mette un tout petit peu à distance des valeurs cognitives, des valeurs de croyance, de ce que nous croyons dans un rêve, qui fait que, par exemple, nous allons parler d'une image de rêve comme d'une hallucination, c'est-à-dire nous avons une expérience perceptive, mais l'objet n'existe pas. Comment nous attrapons avec le vocabulaire de la croyance, du savoir, de la perception, des phénomènes qui sont pris dans de tout autre coordonnées, dans des formes de vie absolument distinctes des nôtres, comme celles des toupies guarani, telles que les a génialement décrits Vivreuse et Castron. Et ça m'amènera à des considérations sur la paranoïa. Parce que je voudrais faire remarquer que lorsque, aussi bien chez Lacan, comme ça on va décrire la psychanalyse, une psychanalyse comme une paranoïa dirigée, que dans l'interprétation kleinienne, qui est une interprétation qui consiste à entendre transférentiellement tout ce que dit le patient sur le mode de la signification personnelle. Littéralement, c'est le sens où le patient parle et l'analyste lui répond comme s'il était constamment visé, comme si c'était lui qui était le paranoïaque, entendant, vous dites cela, est-ce que, en s'incluant dans le dispositif. Comment, au fond, cette dimension de projectivité soit dirigée, soit systématiquement prise comme point de départ dans l'interprétation du transfert, dans les pensées kleiniennes et post-kleiniennes, peut-être, au lieu de renvoyer à une sorte de régression, d'insuffisance du développement psychique, tentative d'attraper ce qu'il y a de paranoïaque ou de paranoïde dans les échanges psychanalytiques, au niveau d'une insuffisance du développement mental, par exemple, pourrait au contraire ne pas être, sauf chez nous, sauf dans nos sociétés, quelque chose de spécialement pathologique. Mais comme si, au fond, nous avions perdu la forme de vie dans laquelle ce que nous appelons pathologiquement la paranoïa, cette projectivité absolument systématique qui va très très loin et qui est persécutive et persécutante, était au contraire, dans d'autres cultures, et c'est ce que je vous montrerai avec les toupies guarani, c'est comme ça que Vivreuse de Castro les décrit, le mode, la forme de vie ordinaire. Alors, tout ça est évidemment, je vais essayer quand même d'aller au bout de la démonstration, parce que ça m'a coûté un peu de peine, et je voudrais quand même réussir à voir si elle tient la route quand je la décris. Je vais donc, la première partie de ce que je vais vous dire ce soir, c'est quelques observations de type logique et conceptuel sur désiré. C'est tout d'abord une observation extrêmement simple, c'est que désiré, on peut désirer du saumon, comme la belle Bouchère, comme dit Lacan, hein, c'est-à-dire on peut désirer manger du saumon, on peut désirer que tu manges du saumon, que mon mari mange du saumon, etc. C'est-à-dire que l'objet du désir, c'est un objet qu'on caractérise en général en disant que c'est un objet intentionnel. C'est un objet qui se caractérise par une complétive. Je désire que tu viennes, par exemple, je veux dire que tu viennes tout de suite. Ce que je désire se glose avec une complétive, qui est une phrase, un énoncé, qui prend la forme d'une phrase. Et ça caractérise le désir comme quelque chose d'intentionnel, c'est-à-dire que ça vise un objet intentionnel. Objet intentionnel, quoi, c'est quoi ce que je désire ? C'est que tu viennes, ou que tu manges du saumon, par exemple. Cet objet-là, il est extrêmement difficile, et il y a eu là-dessus des objections très fortes faites à Lacan, notamment par Vincent Descombes, il est extrêmement difficile de se contenter d'une différence de signifiant pour essayer de le capter. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on peut remplacer saumon par caviar ou le signifiant saumon par le signifiant caviar qu'on a capté une différence d'objet. Que l'objet du désir est quelque chose qui a une structure signifiante, mais comme le faisait remarquer Descombes, c'est beaucoup moins un signifiant positionnel qui se caractérise par une simple différence comme ça, phonique, ou de substitution, ou de jeu de mots, de glissement possible, que, sauf dans des cas bien particuliers, qu'un signifiant propositionnel. C'est une proposition. Hein, que tu viennes me voir, que tu manges du saumon, que mon mari fasse ceci ou cela, etc. Autrement dit, le désir relève de ces états qu'on appelle des attitudes propositionnelles, qui sont des... Il y a des propositions, on a des attitudes à l'égard de ces propositions. Je désire que tu viennes, j'ai conscience que tu ne l'as pas fait exprès, je crois que tu te trompes, qui sont des propositions donc, qui sont attitudinalisées, dans lesquelles le sujet se positionne par rapport au contenu propositionnel. Alors, dans l'esprit, il n'y a pas nécessairement des contenus qui sont tous des contenus intentionnels. Par exemple, on distingue classiquement la conscience qu'on s'est trompé, hein, ou la conscience que la signification de tel mot est telle chose, c'est pas ? Et puis la conscience du bleu, la conscience du froid, la conscience d'état, qui sont des états qualitatifs, qu'on appelle les qualia, hein, qualé au singulier, qui, eux, ne sont pas... qui n'est pas possible de décrire en termes propositionnels. Et donc, ce qu'on va appeler les objets intentionnels de la croyance ou du désir se glose par ce qu'on croit, ce dont on a conscience, ce qu'on désire. Et, justement... on s'y rapporte, on les vise, d'où l'expression d'intentio, n'est-ce pas ? On les vise comme des objets qui ont quand même un statut tout à fait étrange, c'est que ces objets intentionnels n'ont aucun pouvoir causal propre. Ce ne sont pas des objets qui sont dans la nature, par exemple. Ce ne sont pas des... qu'il fasse froid ne cause rien du tout dans la conscience que j'en ai. Ça ne me fait pas prendre conscience qu'il fasse froid, c'est-à-dire le froid... est quelque chose qui cause ma perception du froid, mais qu'il fasse froid, l'objet intentionnel de je crains qu'il fasse froid, n'a aucune espèce d'action causale, ni dans le monde. Hein, ce qu'il fasse froid n'est pas le froid, hein, c'est pas l'objet qu'est le froid, ni dans le monde, ni dans la visée intentionnelle. Et c'est pourquoi cette notion d'objet intentionnel, on le rapporte à un objet tout à fait étrange que les scolastiques caractérisaient déjà comme un objet purement mental, et pour lequel ils utilisaient, c'est un terme que reprend Franz Brentano, la notion, B-E-R-N-T-E-A-N-O, la notion d'inexistence, qui ne veut pas du tout dire que la chose n'existe pas ou qu'elle est inexistante, mais qu'elle a une existence in, alors imité avec un trignon, in existence, à l'intérieur de la visée mentale qui lui donne son sens et sa consistance. C'est que l'objet aimé n'existe que dans la visée de l'amour, par exemple. Alors, là où la notion d'intentionnalité se déploie classiquement, c'est dans la signification, dans le vouloir dire, et dans la visée des buts de l'action. C'est là où on va parler de ces intentions, et c'est-à-dire de ce qu'on vise quand on agit. La caractérisation de ces intentions, c'est ce qu'on vise quand on agit. Les deux choses, et je crois, c'est quand même une des perspectives, je crois, les plus profondes sur la chose, les deux choses ont été fondues l'une dans l'autre par Searle, S-E-A-R-L-E, notamment dans un article, je ne sais pas s'il est publié à part, sur les actes de langage, dans lequel il montre justement que ce qui caractérise suprêmement l'acte intentionnel le plus riche, le plus complexe, c'est l'acte de langage. C'est-à-dire ce qui donne naissance à quelque chose comme une promesse, un baptême, un nom, quelque chose, une signification, et qui, ultimement, dont l'intentionnalité originaire procède de ce que l'esprit impose, de ce que l'esprit fait surgir par lui-même. Et dans la notion d'acte de langage, vous avez cette idée qui est une idée qui remonte sans doute à Austin, mais que Searle, qui est un peu dégénéré chez Searle, l'idée qu'au fond, que si nous voulons comprendre ce que c'est en général qu'un acte ou qu'une action, eh bien il faut partir de sa forme la plus complexe qui est l'acte de langage. L'acte, c'est à partir de l'acte de langage que vous avez l'idée la plus forte de l'acte ou de l'action. Et que même les actes qui sont muets, que nous faisons sans rien dire, ne peuvent être compris que parce qu'il existe un monde dans lequel les actes de langage sont les actes les plus complets et les plus riches. Et ce sont aussi, fait remarquer Searle, dans la postérité d'Austin, ce sont aussi les plus fragiles. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques essentielles de l'acte de la promesse, ou du baptême, ou même du vouloir dire, lorsqu'on désigne quelque chose, puisque chez Searle, la différence d'Austin, même un acte prédicatif, de dire de la montre qu'elle est sur la table, même ces énoncés-là sont des actes de langage performatifs, n'est-ce pas, c'est que ça peut constamment rater. C'est même ce en quoi ça n'a absolument rien à voir avec une opération causale, avec quelque chose comme un mécanisme, avec quelque chose qui obéirait à des lois particulières. Ça peut fondamentalement échouer. C'est-à-dire que lorsque nous disons que quelque chose est vrai ou faux, eh bien c'est un certain type particulier d'acte de langage, la désignation, la prédication par exemple, et que le vrai ou faux, ça veut dire que l'acte de prédication a marché ou bien a échoué. Et que c'est d'abord en pensant en termes de succès ou d'échec ces actes de langage qui renvoient une intentionnalité originaire de l'esprit et dont les signes que nous envoyons, si les signes veulent dire quelque chose, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'intention que ce signe veuille dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on est toujours obligé pour ça de remonter une intentionnalité primaire pour que l'intentionnalité secondaire des signes et des symboles opère. Eh bien, vrai ou faux, ce ne sont pas des entités métaphysiques, n'est-ce pas, qui partagent les énoncés entre énoncés vrais ou faux, ce sont les cas où les actes de langage du type, par exemple, de la prédication fonctionnent ou pas. Et donc, c'est par là que l'acte qui consiste à désigner, à promettre, à baptiser, etc., sont des actes originaires. Ce que Searle ajoute à cette notion-là, c'est qu'il y a deux directions de fit, directions of fit, dans ces actes-là. Il y a ceux qui vont des mots et au monde, de l'esprit vers le monde, et qui ne réussissent que si dans le monde ça marche, et tout ceci sont les actes de l'esprit, les actes intentionnels qui relèvent du registre, par exemple, de la croyance, hein, ou de la conscience de. J'ai conscience de la montre, si et seulement devant moi, si et seulement si il y a une montre, etc. Et la condition de succès de dire il y a une montre devant moi, c'est que ça, la direction d'ajustement de mes mots en direction, c'est en partant de la direction d'ajustement de mes mots vers les choses. Et puis, il y a tout ce qui est du registre du désir, ou des intentions gonatives, des efforts, etc., où c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire dans lequel la direction d'ajustement vient du monde vers les mots et vers l'esprit. Au sens où, par exemple, si dans le premier cas, c'est le réel qui va rendre vrai ou faux mes pensées, tandis que qu'est-ce qui va rendre bon ou mauvais telle ou telle chose, bonne ou mauvaise telle ou telle chose, c'est mon désir. C'est la façon dont je me rapporte à elle. Et la direction d'ajustement est symétrique et inverse. Alors, sauf le cas bien totalement spécifique de la phénoménologie de Husserl, où, comme vous savez, la phénoménologie de Husserl, qu'on appelle à ce titre un idéalisme, non seulement c'est une pensée de l'intentionnalité, mais c'est un idéalisme, il y a cette idée que ce que vise, ce à quoi donne sens le cogito, le sujet transcendantal phénoménologique, il puisse son être, son sens, il est donné par ce déploiement de l'activité du cogito. En quelque sorte, ce qui fait de la phénoménologie de Husserl un idéalisme, c'est qu'elle applique quelque chose qui marche pour le désir. Le désir rend bon l'objet qui est désiré. L'idéalisme rend réel l'objet qui est pensé. Sous condition que cette visée intentionnelle obéisse à des critères des critères formels, à des critères logiques qui sont ceux dans lesquels se déploie justement le cogito husserlien. C'est ça, c'est un idéalisme, à mesure où de la pensée à l'être, la conséquence est bonne. C'est ça un idéalisme, que de la pensée à l'être, la conséquence est bonne. Et donc, c'est un usage qui est extrêmement répandu de la notion d'intentionnalité. Plein de gens croient d'ailleurs que la seule intentionnalité qui existe, c'est l'intentionnalité phénoménologique au sens de Husserl. C'est absolument faux. C'est beaucoup, beaucoup plus vaste que cela, et qui n'est pas du tout nécessairement idéaliste. Bien au contraire, dans la notion d'acte de langage, dans une philosophie des actes de langage qui est totalement anti-idéaliste, les conditions de succès d'un acte de langage, c'est pas parce que vous dites « je promets » ou « je baptise » que ça va marcher. Il y a une possibilité intrinsèque d'échec et ça ne dépend pas du fait de baptiser ou du fait de nommer ou du fait de promettre. Il faut que des conditions externes soient présentes, qui sont en général des conditions sociales. Il faut avoir le titre à le faire, il faut que les circonstances soient les bonnes, il faut que ce soit prononcé de la manière qui convient, au moment qu'il convient, etc., etc. Alors, il faut bien, quand on travaille sur l'intentionnalité du désir, il faut bien que vous fassiez attention à une chose, c'est que là, ce que je vous fais ce soir, c'est très rare. En général, on travaille presque exclusivement en philosophie sur l'intentionnalité de la croyance, des objets auxquels on croit. Et l'intentionnalité cognitive, c'est l'objet des sciences cognitives contemporaines, ce qu'on appelle naturaliser l'intentionnalité, c'est tenter de produire, par exemple, des machines, c'était le projet de l'intelligence artificielle, des machines qui soient effectivement capables de produire des énoncés vrais, de produire mécaniquement des énoncés vrais, d'obtenir qu'une machine, par exemple, construite d'une certaine façon, produise des énoncés vrais au point qu'on pourrait quasiment lui attribuer, non seulement lui attribuer une intentionnalité, Si vous rentrez 2 plus 2 et qu'elle vous sort 4, si vous rentrez 2 plus 3 et qu'elle vous sort 5, hein, non pas de voir là-dedans quelque chose comme des rouages, comme dans la machine à calculer de Pascal, qui ne nous pose aucune espèce de problème, mais au point où on pourrait dire que la machine, c'est pas simplement qu'elle sort le bon résultat, c'est qu'elle calcule le bon résultat. Et qu'effectivement, l'intelligence artificielle commence à partir du moment où vous commencez à avoir des raisons de penser que non seulement vous attribuez de l'intentionnalité à la machine, mais où la machine est capable de produire une certaine intentionnalité particulière et par là de mécaniser ou de traiter par simplement des lois qui sont à la fois des lois logiques, mais aussi qui sont des propriétés physique de la circulation de l'électricité dans les circuits imprimés, par exemple, de produire de la pensée. Une autre figure beaucoup plus contemporaine et présente des neurosciences cognitives consiste à interpréter le fit, c'est-à-dire l'ajustement de l'esprit au monde, en termes darwiniens. C'est-à-dire qu'il faut bien que les organismes s'adaptent à leur environnement, soient capables d'avoir des intentions à l'égard de cet environnement, de modifier leur routine à l'égard de cet environnement, parce que sinon il y a très peu de chances pour qu'ils puissent jamais survivre. Et donc la version darwinienne du projet des neurosciences cognitives contemporaines s'efforce de penser en termes de téléologie du vivant, d'adaptation des organes sensoriels, des processus de traitement de l'information dans le cerveau, etc., de penser dans ces termes de téléologie organique la production de conduites qui ont du sens, d'actes qui ont des intentions et qui cherchent à et qui tiennent compte de l'environnement pour poursuivre des stratégies, modifier les stratégies, etc., etc., jusqu'à ce qu'éventuellement même la pensée humaine la plus sophistiquée puisse être comprise en termes de téléologie adaptative en un sens darwinien. Alors, le problème, c'est que c'est le suivant. Ce qu'on oppose toujours à l'idée qu'un contenu intentionnel cognitif, ce que croit quelqu'un qui dit telle chose, par exemple, qui prononce telle énoncé, qu'est-ce qu'il croit ? C'est ça qu'on se pose. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Quelle était son intention en disant ceci ? Jusqu'à un certain point, ça peut être inféré de la forme de son énoncé, hein, de l'ordre dans lequel se compose et se hiérarchise les composants logiques de ce qu'il raconte. Mais jusqu'à un point seulement, parce qu'on est bien obligé aussi d'interpréter en fonction du contexte ce qu'il dit. Une des grandes difficultés, par exemple, avec les machines avec qui on parle, c'est que quand on leur dit des choses qu'elles peuvent analyser en fonction des stricts composants grammaticaux ou lexicaux de ce que vous leur énoncez, elles sont susceptibles, avec une banque de données extrêmement importante, de vous répondre dans un style extrêmement naturel. Le problème, c'est que ça s'arrête lorsqu'elles ont besoin, pour désambiguer vos phrases, d'un contexte. Comment on fait fondre les circuits d'un analyseur de langage ? On lui propose comme énoncé « la belle ferme le voile ». Alors là, « la belle ferme le voile », on a dans les linguistes ont toutes sortes de phrases comme ça, dont l'interprétation syntaxique est tellement multiple, n'est-ce pas, lexico-syntaxique, « la belle ferme le voile », que si vous n'êtes pas dans un contexte bien particulier, il est totalement impossible de l'analyser. Donc quand on va dans ce sens-là, voyez, on voit bien que l'analyse en composant fait que on peut faire comme les êtres humains. La machine peut poser en quel sens dites-vous voile, en quel sens dites-vous ferme, etc. Est-ce que c'est le même... Voilà, elle peut poser la question. Elle peut s'apercevoir qu'il y a une ambiguïté éventuellement intraitable, encore qu'on n'en est pas sûr. Il y a, paraît-il, des cas où on peut montrer que ça n'est pas vraiment possible. Bon. Et donc... C'est ça le point. Est-ce qu'on peut se calculer, comment est-ce qu'on peut réussir à traiter les raisons sous-jacentes qui donnent leur raison d'être, leur structure intentionnelle à telle ou telle action des gens ? Alors, il y a deux façons de l'aborder. Et la façon la plus connue, parce qu'elle a été développée par Davidson, dont j'ai parlé dans de nombreux séminaires il y a plusieurs années, la façon la plus simple, c'est une question qui s'est posée lorsqu'on a essayé de faire une psychologie empirique de la décision économique. C'est-à-dire de chercher des lois qui permettaient de prévoir le comportement rationnel des acteurs dans des situations, même de contexte dans lequel on leur donne, par exemple, des hiérarchies de prix, des préférences subjectives, des raisons stratégiques de choisir telle ou telle chose en fonction de ce qu'un autre joueur, par exemple, va choisir et d'optimiser, de maximiser leur stratégie, etc. Donc dans le contexte de théorie des jeux, de hiérarchie des préférences, avec par exemple la structure de prix, etc. Avec la question de savoir jusqu'à quel point on pouvait avoir une théorie, comme une théorie de sciences naturelles, une théorie prédictive du comportement des acteurs sur un marché, par exemple. Alors, on s'est très rapidement aperçu que pour attribuer des intentions aux acteurs, à quelqu'un qui pose une décision en psychologie de la décision, il est impossible de construire des lois naturelles au sens des lois de la physique, par exemple. Pour une raison très simple, c'est que si autrui a des raisons d'agir, ces raisons, lorsque je cherche à les élucider, je ne peux pas les interpréter comme des rouages causaux qui lui font faire ceci plutôt cela. Que cela, parce que les raisons d'agir sont soumises à une contrainte normative. C'est-à-dire que pour comprendre les raisons qu'a autrui d'agir, je suis obligé, et c'est ce qu'on appelle le principe de charité, de supposer que l'autre, et ça c'est normatif, c'est pas un fait descriptif ou un fait naturel, de supposer que l'autre obéit à la plus grande logique possible. Et que si je ne comprends pas les raisons d'autrui, c'est à moi de faire un effort pour trouver les raisons pour lesquelles il fait ceci ou cela. Sinon, ce n'est plus une raison d'agir qui commande l'action de l'autre. C'est quelque chose qui n'est plus du tout une raison, donc il n'a plus de préférence, il n'a plus d'activité, il est sous l'empire d'un mécanisme, ou bien il y a un bug. Mais si je suppose qu'il a des raisons, alors je ne peux pas interpréter les raisons d'agir d'autrui sans une sorte d'approche normative et qui fait que je suis obligé d'optimiser, de penser qu'il a ou qu'il a quelque part les meilleures raisons de faire ce qu'il fait. Autrement dit, la conséquence de cela, vous avez remarqué Davidson, c'est qu'on réduit, on est obligé, quand on comprend le comportement d'un autre être humain, de réduire a priori son irrationalité. On ne peut jamais partir de l'idée que autrui est irrationnel. Mais on optimise forcément la rationalité de l'autre. Parce que sinon, il n'y aurait plus de raison du tout. Si vous commencez à ne plus traiter les raisons de l'autre comme des raisons qui suivent une raison qui optimise de manière normative, qui rend le plus rationnel possible son comportement, eh bien, il n'y aura bientôt plus de raison du tout. C'est allé à un tel point que Davidson, qui était professeur de psychologie, qui est un des fondateurs de la psychologie économique, a carrément démissionné de sa chaire de psychologie en disant que c'était une escroquerie parce qu'il ne pouvait pas y avoir de loi naturelle, donc ce n'était pas de la psychologie, etc. Il est devenu professeur de philosophie à ce moment-là. Donc oui, il y a quelque chose d'assez amusant chez Davidson, et que le prix Nobel d'économie qui a été donné il y a quelques années aux gens qui ont travaillé sur la théorie des jeux, etc., ce sont des gens avec qui Davidson a travaillé. Hein. On ne parle pas là d'un petit professeur de psychologie économique. C'était un des fondements de la théorie moderne de la décision. Donc ça, c'est la première piste, n'est-ce pas ? C'est de dire, elle est très importante quand vous cherchez les raisons d'agir des gens. La seule manière d'y avoir accès, elle ne peut pas être purement descriptive. Elle est toujours normative. Vous introduisez un élément normatif dans l'appréciation des raisons des autres. Et donc, ça échappera par définition à une description en termes purement mécaniques. L'autre solution, pour essayer de comprendre pourquoi quelqu'un fait quelque chose, quelles sont ses intentions, c'est pas d'avoir recours au principe de charité et à l'optimisation normative des raisons qu'il a, c'est de se mettre à sa place. C'est l'autre solution, qui est par empathie, en voyant les choses du point de vue, ou plus exactement, j'introduis le mot tout de suite, de la perspective, en adoptant sa perspective sur la situation. Et alors là, effectivement, ce que vous gagnez et ce que vous perdez se renverse par rapport à l'approche du principe de charité. Parce que ça explique effectivement beaucoup mieux les irrationalités. Si vous vous mettez à la place de l'autre, alors vous voyez qu'il y a tout un pan de la réalité, par exemple, qu'il n'a pas remarqué. Si vous vous mettez à la place de l'autre. Et donc, vous expliquez beaucoup mieux les raisons, les irrationalités que l'on rencontre dans le fonctionnement de la pensée humaine. Mais en vous mettant à la place de l'autre, c'est-à-dire en permutant les positions, vous transportez ce qui n'est au fond que votre subjectivité dans la subjectivité de l'autre. Et donc ce que vous perdez, c'est justement l'idée que l'autre a des raisons objectives d'agir. Au fond, les raisons objectives d'agir qu'il pourrait avoir disparaissent comme étant, au fond, contraintes par le point de vue ou la perspective locale qu'il a sur les choses. Et donc, la possibilité pour ces raisons d'agir d'être des vraies raisons est diminuée d'autant. C'est très important de voir que les deux manières que nous avons de rationaliser, de rendre raison de pourquoi l'autre... De me faire une idée des intentions d'autrui, sont à ce point, n'est-ce pas, dans un rapport de gain et de perte. Hein. Si vous optimisez trop, si vous supposez que l'autre est rationnel, est très très rationnel, alors à beaucoup de moments, vous n'arrivez plus à comprendre pourquoi il y a de fait des conduites irrationnelles. Mais si vous vous mettez à sa place pour voir pourquoi il est irrationnel, dans ce cas, ce que vous ne comprenez plus, c'est pourquoi il a des raisons objectives d'agir. Hein. Ces raisons objectives, ces raisons qui ne tiennent, qui ne dépendent justement pas de son point de vue limité ou de sa perspective locale sur les choses, disparaissent. Pourquoi je fais ce long détour ? C'est parce que dans le cadre de l'intentionnalité que je n'avais pas appelée cognitive, mais conative, celle du désir, celle qui rapporte le désir à ses objets, il est bien évident que la seule piste que nous avons pour interpréter ce que l'autre a l'intention de faire, ou de, quand il dit, ou quand il, etc., qu'est-ce qu'il désire, c'est quoi ses intentions, c'est de se mettre à sa place. Il n'y a, par définition, aucune espèce de moyen objectif de le savoir, puisqu'à la différence des croyances, l'ordre d'ajustement de l'esprit au monde, c'est pas du tout en s'appuyant sur ce qu'il y a dans le monde et qui rend vrai ou faux ma croyance, mais de ce que désire le sujet. Si vous ne vous mettez pas à sa place, vous ne pouvez pas voir de quel point de vue il va juger que ceci est bon ou que ceci est mauvais. C'est pas en regardant les choses que vous allez vous dire qu'il est rationnel, parce que c'est pas de l'ordre du vrai ou du faux, c'est de l'ordre ici du bon et du mauvais. Autrement dit, c'est ambigu, ce qu'il désire va s'éloigner de ce qu'on pourrait rapporter à ses raisons motivantes qui sont partageables, qui sont objectives, et de plus en plus faire place à ce qu'il affecte, qui est ce en raison de quoi il agit et qui fait qu'il a ce désir. Alors évidemment, quand vous avez des formes très, très intellectuelles du désir, comme par exemple la préférence supposant une hiérarchisation des représentations, par exemple des prix, des valeurs sur un marché, vous pouvez intriquer comme ça ce que les gens croient et ce que les gens désirent. Mais lorsque vous avez, par exemple, des préférences érotiques ou des préférences de goût esthétique ou des choses comme ça, on perd cette dimension-là, on est obligé de se rabattre sur une pure projectivité. Faites bien attention que ceci se reflète dans la grammaire même des attitudes propositionnelles. Lorsque vous dites je crois que tu as raison, ou je crois qu'il est 10h moins 10, faites bien attention que la complétive, elle est à l'indicatif. C'est-à-dire que vous pouvez détacher la complétive en disant « il est 10h moins 10, tu as raison ». Elle existe indépendamment de « je crois ». En revanche, lorsque vous utilisez « je désire », la complétive est au subjonctif. Ce qui veut dire que cette complétive n'est intelligible que du point de vue du sujet du verbe « je désire ». Je désire que tu viennes, je désire que tu viennes ce soir, par exemple. C'est quelque chose qui, que tu viennes ce soir, ne se comprend que dans la perspective introduite par ce que le « je » signale. Et dans l'analyse logico-grammaticale que je ferai volontiers de la chose, j'attirerai votre attention sur des dégradations assez subtiles. Par exemple, quand vous dites « je crains », c'est un exemple que cite souvent Lacan, « je crains que tu viennes », on peut vouloir introduire ce fameux « ne » explicite, « je crains que tu ne viennes », en insérant « ne » qui est une marque de la présence du sujet d'énonciation à l'intérieur de la complétive pour redoubler dans la complétive elle-même, à l'intérieur de la complétive, la marque de l'aversion qu'exprime le « je crains » dans la proposition principale. En revanche, lorsque vous prenez des formules, des verbes, il y a un verbe dans cette gradation entre l'affect et l'affectif et l'intellectuel, le verbe « douter », par exemple. On peut dire « je doute que tu saches ». La vérité. On ne peut pas dire « je doute que tu sais la vérité ». En revanche, faites bien attention, on peut dire « je ne doute pas que tu sais la vérité ». Et on peut dire aussi « je ne doute pas que tu saches la vérité ». Avec le verbe « douter », dans la constellation de tous ces verbes, est un verbe charnière, qui permet justement d'assurer la transition entre le statut de la complétive à l'indicatif et le statut de la complétive au subjonctif, c'est-à-dire ne valant que du point de vue, selon l'aspect qu'elle offre, au sujet d'énonciation. Et ça se croise d'ailleurs avec quelque chose de très intéressant, c'est que bien évidemment, « je crois » est toujours accompagné de l'indicatif, mais « je ne crois pas » peut, dans un effort... une formule un peu sophistiquée, « je ne crois pas que tu saches la vérité », dans lequel « je ne crois pas » se rapproche maximalement de « je doute ». Autrement dit, ces transitions ne sont pas des transitions impressionnistes liées à des voisinages comme ça, verbaux, etc. Ce sont des transitions grammaticales impliquant l'inclusion des négations, et en fonction de l'absence ou de la présence des négations, de manière croisée, le passage du subjonctif à l'indicatif. Bartholdi, par exemple, « je préfère ne pas ». Ça, on ne va pas rentrer dans ces détails. « Rather not to », c'est autre. « I prefer not to », c'est une autre question. Mais ce que je veux vous pointer, c'est que plus on monte vers les verbes qui ont une acception cognitive, et moins vous pouvez mettre de nœuds explétifs. Par exemple, « je crains que tu ne viennes », ça c'est possible. Mais « je doute que tu ne viennes », c'est pas possible. Autrement dit, plus on avance vers la dimension intellectuelle de cette déclinaison des attitudes propositionnelles, et moins vous avez ces effets d'irruption sous forme d'un nœud explétif du sujet d'énonciation dans la complétive. Il y a un seuil... dans lequel plus... Et avec le verbe « douter », ça vous explique pourquoi le doute, et chez Freud, c'est toujours très surprenant quand on en parle, le doute est un affect. Il traite le doute comme un affect. Et c'est toujours problématique, parce que quand vous traduisez les textes de Freud sur la névrose obsessionnelle, le doute, pour nous, est... par exemple, quand vous lisez le grand texte contemporain de Solier sur lui qui s'appelle « Le doute », qui est la description de la... Le doute pousse Solier à tout construire du côté d'un trouble intellectuel. et pas du tout d'un rapport singulier de l'angoisse, hein, de la continuation affective du doute et de l'angoisse. Pour lui, c'est un déficit de la croyance qui aboutit au doute, comme chez Janet. C'est pas du tout une intellectualisation de l'angoisse qui fait remonter le rapport à l'objet intentionnel de l'angoisse au doute. Et ce dispositif est extrêmement important parce que ce sont des nuances dans l'appréciation même des phénomènes qui sont très importants. Un douteur, c'est pas quelqu'un qui a d'un côté un trouble cognitif et puis de l'autre de l'angoisse. Si vous écoutez la grammaire logique des choses, vous apercevez que le doute est, selon certaines constructions, du côté de l'affect, mais en même temps du côté du rapport cognitif pour présentation. Alors, il ne reste pas moins que même quand vous dites « je désire que tu ne viennes », je désire que cela soit ainsi et pas autrement », il y a néanmoins une certaine dimension cognitive, une certaine représentation de la venue de l'autre ou de l'appareil de sa femme. Ce que je dirais, c'est que ça n'est jamais ce qui est présenté, pour ça que ce n'est pas l'indicatif, quelque chose comme une perception. C'est quelque chose comme un aspect. Le contenu cognitif de ce qui est visé dans les complétifs subjonctifs des verbes de désir est toujours un aspect comme je le vois. Autrement dit, le désir aspectualise ou perspectivise les choses. C'est pas qu'il les... Il les perçoit ainsi. Il les fait percevoir comme ceci ou comme cela. On est dans le registre. Le désir, c'est ce qui nous fait voir ceci comme cela. Pour ça qu'il a une structure qui est intrinsèquement métaphorique. On n'a pas du tout besoin de penser qu'on a trouvé une interprétation structuraliste géniale du désir en pensant que le désir est une métaphore ou que c'est une substitution de signifiant. C'est intrinsèque à la grammaire même du désir que le désir fasse voir A comme B. C'est le propre même de l'affaiblissement de sa qualité purement représentative ou perceptive, et qui fait que c'est au subjonctif qu'on va traiter la chose. J'insiste beaucoup sur ce point, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait que ce qui est très peu convaincant dans les analyses en termes de signifiant positionnel, caviar-saumon, par exemple, comme fait remarquer Vincent Descombes, d'ailleurs, de Lacan, quand il parle du rêve ou de la belle bouchère, le problème de ces trucs-là, c'est que ça nous perd cette dimension du subjonctif. Si c'est des propositions, alors vous pouvez vous intéresser à la modalité de la proposition. Si c'est uniquement des signifiants positionnels qui ne varient que parce qu'on remplace le signifiant caviar, alors on perd cette dimension-là. Et en perdant, on perd tout le naturel du caractère intrinsèquement perspectivant, aspectualisant et métaphorique de l'effet du désir sur ce qui est en jeu dans le rapport aux choses. C'est ce qui fait la connexion entre désirer et fantasmer, rêver, avoir la phobie d'eux, s'angoisser à l'idée que... C'est pas exactement qu'on se représente les choses quand on s'angoisse à l'idée que... C'est que justement, on ne se le représente surtout pas, c'est trop angoissant. Et donc, on a tous ces niveaux affaiblis qui apparaissent dans le langage ordinaire, tous ces niveaux affaiblis de ce qu'une idéalisation philosophique ou psychologique nous fait traiter comme une perception, une représentation, etc. C'est pas vrai du tout qu'on se représente les choses ou qu'on les perçoit au sens technique. Ce sont toujours des idéalisations du mode de fonctionnement subjectif qui favorise le rapport du sujet à l'objet, qui fait entrer tout ça dans un jeu de langage déjà extrêmement contraint. Non, on rêve, on s'angoisse, on fantasme, etc. Et pourquoi ? Parce que justement, ce sont ces formes de présence mentale des images, des représentations, des préfigurations, des mises en scène. C'est beaucoup, beaucoup plus riche qu'avoir une représentation ou une visée au sens phénoménologique des choses qui sont aux frontières de la perception. Et qui font que justement, on peut croire avoir une perception, on fantasme, c'est-à-dire on hallucine. C'est-à-dire que la chose prend un caractère quasi-cognitif, et c'est comme une hallucination. Alors, c'est ce qui fait aussi que chez Freud, hein, dans toute cette grammaire-là, l'hallucination visuelle, et notamment l'hallucination visuelle hystérique, est si forte. Parce que dans l'hallucination visuelle hystérique, les patientes voient les choses, enfin, tout en sachant que ce ne sont pas les choses. De la même manière, dans les mantismes, les grands mantismes visuels, les obsessionnels, tout d'un coup, voilà, une tête apparaît, hein, quelqu'un est égorgé, ou un sexe masculin en érection sur un crucifix, enfin, tout l'espèce d'énorme, qui est vu, qui est halluciné. Mais en même temps, avec cette espèce de texture de cauchemar, les yeux ouverts, qui fait l'horreur, hein, de la condition de ces grands obsédés. Alors, il en parlera, je pense, Gilles Deleuze, quand il viendra. Hein. Une des difficultés essentielles qui se posent avec rêver, c'est qu'il y a un usage très naïf, hein, de dire, c'est trivial de dire que le sens d'un rêve, c'est un désir, puisque nous disons en langage ordinaire « j'en rêve ». Il y a des proverbes que cite Freud, d'ailleurs, hein, le loi rêve de grain, hein, par exemple. C'est-à-dire qu'on se sert du vocabulaire du rêve pour, de façon triviale, ancrée dans la langue, comme quelque chose qui est immédiatement présent, parler du désir. Donc il n'y a aucune espèce de miracle à découvrir au bout d'une énorme construction que le sens caché d'un rêve, c'est un désir. C'est juste tout simplement retrouver quelque chose qui était caché dans les usages grammaticaux ordinaires de la notion de rêve. Rend la chose subtile, c'est qu'en réalité, on ne dit pas « je rêve ». On ne peut pas dire « je rêve ». On peut dire que « j'ai rêvé ». On ne peut pas dire « je rêve » parce que si vous dites « je rêve », ça veut dire que vous ne dormez pas. Si vous ne dormez pas, vous ne rêvez pas au sens. On ne peut pas dire « je rêve » comme on ne peut pas dire « je suis mort », par exemple. Ou on ne peut pas dire « je suis muet ». Voilà. Ce sont des impossibilités logico-grammaticales de cet ordre. En revanche, on peut dire « j'ai rêvé ». Et qu'une des questions que soulève Malcolm, c'est que précisément parce qu'on ne peut pas dire « j'ai rêvé », on ne peut pas dire « je perçois en rêve que ». Parce que le percevoir est quelque chose qui ne fonctionne que comme quelque chose qui existe au présent de l'indicatif. Et donc une des vraies difficultés, je passe qu'en dira Gilles Deleuze, c'est de savoir au nom de quoi, à partir de quelqu'un, du fait que quelqu'un dit « j'ai rêvé ceci et cela », on peut en inférer qu'il désire telle et telle chose. Il faut là traiter, il y a un niveau supplémentaire qu'il faut ajouter, qui lui n'est pas trivial, et qui est, d'après la solution que je pense être la bonne, un niveau dispositionnel. C'est-à-dire que c'est parce que ce sont des dispositions à rêver telle et telle chose qui se prolongent dans les dispositions à associer de telle et telle manière sur ce dont on a rêvé, et c'est cet ensemble de dispositions qui permet une traduction de quelque chose qui est au passé, j'ai rêvé de ceci, à je désire cela. Le présent de je désire, c'est le présent des dispositions permanentes qui existaient au moment du rêve comme de l'association. Transition. Première chose, c'est qu'on pourrait imaginer un monde dans lequel avoir un semblable, et je vais même l'appeler un congénère, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, ce qui fait que j'ai un semblable, c'est que j'adopte la même perspective désirante que lui. Aux amants, tout apparaît sous le même jour, voyez. Aux amants, tout apparaît sous le même jour, ça, en quoi savons-nous que nous faisons couple ou que nous aimons, c'est lorsque le miracle se passe de regarder le même tableau, de regarder le même enfant, de regarder etc. avec quelque chose où au fond la perspective fait que la chose vous apparaît sous le même aspect. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une sociabilité purement projective et empathique dans lequel on pourrait se mettre les uns à la place des autres et tout voir sous le même angle, tout voir de la même manière. Et c'est ce qui définirait, au fond, radicalement ce que nous sommes. Alors ça, c'est ce que nous sommes en tant que nous sommes les mêmes. Vous voyez, c'est ça. Ce ne serait pas que nous voyons la même chose objectivement, ou que nous participons d'un monde dans lequel nous partageons que nous sommes bien obligés, par exemple, de percevoir et de trouver vrai ou faux un certain nombre de choses, et que nous nous retrouverions autour de ce qui est vrai ou faux. Mais ce serait un monde dans lequel notre empathie, notre manière de nous mettre les uns à la place des autres, nous ferait voir ce que nous désirons, le désirable nous apparaîtrait toujours dans la même fenêtre, sous la même forme, etc. Si vous allez au bout de cette logique-là, lorsque quelqu'un vous dit « j'ai rêvé de ceci ou de cela », au lieu de l'interpréter dans le sens « se rêver », dans le sens de « je désire croire telle chose », à un tel point que je l'hallucine et que je forme l'image de la chose, j'en rêve. Et que ça trahirait ainsi, quand vous dites « j'ai rêvé dans ce monde-là », ça trahirait ce que le sujet désire croire. Si vous enlevez ce rapport qui reste un rapport cognitif et qui fait que le rêve est pensé comme une hallucination de ce qu'il n'y a pas et qui trahit ce que vous voudriez tellement qu'il y ait à la place, et qui le trahit, c'est un sujet, vous voyez, qui s'isole des autres et qui trahit sa singularité, son appétence. Essayez de faire totalement abstraction, de penser à un monde, c'est une expérience un peu comme Wittgenstein avec ses tribus invraisemblables, mais vous allez voir que la tribu existe en fait. C'est essayer de faire une abstraction, de vous abstraire totalement de l'idée qu'il y aurait quelque chose à croire, qu'il y aurait une hallucination, qu'on serait dans une intentionnalité qui serait quand même en dernière analyse une intentionnalité cognitive. Le vertige de cette intentionnalité cognitive et du partage des choses, en tant que nous verrions, nous découvrions partout le même désirable en nous mettant à la place de nos congénères, ce serait que, au lieu de nous trahir comme des sujets dont les désirs seraient inadaptés à l'ordre réel des choses, c'est un monde autre qui apparaîtrait. Un autre monde. Non pas un sujet différent, mais un monde autre. Et un monde qui est un monde d'affect, un monde de ressenti et de désir. Alors, si je peux me mettre à la... En effet, c'est ça, on entre dans je me rapproche de l'Amazonie. Si je peux me mettre à la place de l'autre, pour... alors évidemment, il y a un moment où je sais bien, ça flotte, parce que la transition est difficile à penser. Mais aller jusqu'au bout et penser à certains phénomènes qui se produisent, que nous connaissons bien dans les psychoses, dans ce qu'on appelle, est-ce que ça existe ou pas, le transfert psychotique. Si vous vous mettez à la place de l'autre, pour... rationaliser, entre guillemets, en tout cas pour avoir une idée de ce qu'il désire. Et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement lorsque c'est profondément affectif. L'autre, à la place duquel vous vous mettez, peut tout aussi bien se mettre à votre place. Il peut tout aussi bien se mettre à votre place vous mettant à la sienne. Autrement dit, il faut qu'il puisse me voir dans sa perspective, et sa perspective doit entrer dans la mienne. Mais le problème, c'est que là, nous pensons la vue comme quelque chose qui est spectre de la vue, l'inspection. Nous le pensons encore en termes cognitifs. C'est-à-dire... on le pense dans ce que Lacan appelle la connaissance paranoïaque, comme une connaissance. Faites totalement abstraction de la dimension cognitive de cette vue. C'est-à-dire, ce n'est pas au sens où il vous voit, au sens de vous observer et de vous voir figurer objectivement dans le monde. c'est au sens où vous apparaissez dans son monde comme l'objet d'un désir, d'une pulsion. Au sens, non pas de la vue comme quelque chose qui est eidétique, qui montre l'apparence ou la réalité de la chose, mais de l'inouïdia, de l'envie, de quelque chose qui est une appropriation, qui sort de l'œil et qui va s'emparer de l'objet. Quelque chose qui est une envie, et une envie jalouse, une envie mortelle. C'est le regard persécutant, ou le regard persécuteur, non pas en tant qu'il va à la rencontre perceptive d'un objet du monde, mais en tant qu'il installe l'objet du monde dans une position de bon, de mauvais, de quelque chose de désirable ou quelque chose de haïssable. C'est dans cette perspective-là que tout d'un coup, Viveiros de Castro nous fait remarquer que des sociétés entières, les sociétés Tupi-Guarani, sont entièrement construites sur ce modèle-là. Alors, Viveiros de Castro, dans ce qu'on appelle le perspectivisme amazonien, est souvent lu comme, je dirais, quelqu'un qui se contenterait juste de d'écrire une forme d'ontologie, de rapport au monde, de rapport au sujet, etc., totalement perturbateur et inversant les principes de la métaphysique occidentale, le rapport du sujet à l'objet, le primat du cognitif. On peut même plus parler de cosmologie, parce que c'est même plus... Vous allez voir, il y a même plus de nature. Il y a autant de nature qu'il y a de monde et de structure affective qui se déchaînent dans la nature. C'est par exemple Latour, qui, dans un texte qui s'appelle « Nous n'avons jamais été modernes », Bruno Latour, qui fait remarquer que grâce à Viveiros de Castro, on peut s'apercevoir du fait que penser en termes de sujet et d'objet, privilégier le rapport de la vue comme connaissance, sur la vue comme envie, comme inouïdia, etc., que privilégier l'opposition entre la culture et la nature, et donc qui est au fondement de l'anthropologie. Viveiros de Castro est un anthropologue, qui est un anthropologue qui rencontre des gens, les Tupi-Guarani, pour qui la distinction entre la nature et la culture n'a aucun sens. Vous allez voir pourquoi. Et qui commence par dire, on ne peut quand même pas faire comme si l'anthropologue n'était pas obligé de tenir compte de l'insight métaphysique des gens qui l'examinent, et de lui imposer sa science, comme ça, de l'anthropologie, sa science de l'homme, d'imposer à l'objet, alors que l'homme en question, lui, il n'est pas du tout pris dans l'opposition nature-culture. Voilà. Donc ça intéresse évidemment énormément Bruno Latour de montrer que nous n'avons jamais été modernes, au sens où on peut tout à fait faire émerger chez nous tout à fait autre chose que cette ontologie-là. Et alors pourquoi perspectivisme amazonien ? Eh bien, pour prendre l'exemple constant de Viveiros de Castro, c'est parce que, pour le jaguar, le sang, c'est comme pour nous la bière de manioc. Que pour le tapir, la mare de boue, c'est la même chose que la grande maison d'initiation. Autrement dit, du point de vue des jaguars, dans le village des jaguars, quand ils mangent un pécari, ils ne mangent pas un pécari. Le sang qui leur coule dans les veines, c'est notre bière de manioc, comme nous, nous avons de la bière de manioc. Lorsque le tapir vit dans le village des tapirs, nous voyons le tapir comme notre proie, et la mare de boue comme ce dont il faut se protéger, mais la mare de boue, c'est pour le tapir la maison cérémonielle où a lieu l'initiation. Autrement dit, il y a autant de nature qu'il y a de perspective sur la nature. Mais faites bien attention, c'est pas parce que les animaux connaissent la mare de boue, le tapir ne connaît pas le sang sous la forme de la bière de manioc, c'est parce qu'il a soif et qu'il boit et qu'il se nourrit, qu'il assimile dans sa propre chair le sang, comme nous assimilons la bière de manioc. C'est quelque chose qui est entièrement pris dans une intentionnalité que Viveiros de Castro, d'une formule très célèbre, appelait une intentionnalité prédatrice. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des objets de connaissance, les objets d'intentionnalité, c'est des proies. C'est-à-dire, c'est une cosmologie de chasseurs que la cosmologie Tupi-Guarani. C'est des chasseurs-cueilleurs, ceux qui prennent et qui sont eux-mêmes pris. C'est-à-dire, ça mène au cannibalisme et à cette figure fondamentale selon laquelle c'est les dieux qui nous cuisent et qui nous mangent et qui nous assimilent à leur chair, moyennant quoi nous devenons des dieux. Avec la grande angoisse des Tupi-Guarani, c'est avec tous les morts qu'il y a, tous ceux qui ont été mangés au ciel, le ciel va devenir trop lourd et un jour il va tomber dessus. Enfin, ils n'aiment pas du tout parler de ça. Alors, dans le monde perspectiviste des Tupi-Guarani, c'est un monde, vous voyez, où il faut, pour entrer dans ce monde, il faut essayer de suspendre dans le rapport aux intentions toute la dimension cognitive. Il faut penser cela en fonction des désirs et des pulsions. Dans ce monde-là, tout est humain. Tout est humain parce qu'il y a un village des jaguars et qu'au fond, il n'existe que un monde humain qui existe. Et c'est un monde humain dans des corps qui ont des affects particuliers et qui s'affectent de manière particulière. Le jaguar s'affecte du sang, comme l'homme de la bière de manioc. C'est ça. Il peut y avoir des objets non naturels, par exemple la mère de la variole, par exemple, qui est une de ces créatures divines, elle voit les hommes comme des pétailles. Elle les mange, elle les tue, elle les fait pourrir, comme des pécaries. C'est-à-dire, elle ne voit pas des hommes. C'est quelque chose, vous voyez, qui donne ici une qualité tout à fait singulière. Autrement dit, qui sont les congénères? Les hommes sont des congénères dans la mesure où ils ont le même gibier. Ce qui fait que si nous avons les mêmes proies, nous sommes des congénères. C'est ça l'idée de base. Mais nous pouvons aussi être pris à l'identique. Ce qui fait de nous des congénères, c'est que nous sommes les proies d'autres. Et que au moment où le guerrier cannibale prend sa lance et part à la guerre, il devient jaguar. Faites bien attention, il devient jaguar au sens où c'est pas qu'il devient un jaguar. Jaguar n'est pas objet. C'est un devenir jaguar. C'est une transformation dans laquelle tout d'un coup, c'est le jaguar qui voit dans les yeux la proie. Ça aboutit d'ailleurs à des problèmes médico-légaux tout à fait fascinants que rapportent les inspecteurs brésiliens en charge des Indiens. C'est que un type tue des gens comme ça, et puis il vous explique après, mais non, il a tué des pécaris. Il faut surtout pas aller s'imaginer que là, on est dans une sorte de métaphore. Où il les perçoit comme ou de travers, etc., parce qu'il a une hallucination. C'est la forme de vie à l'intérieur duquel on voit et on perçoit les choses qui fait que l'autre va apparaître comme un pécan. Alors cette nature, la nature du coup, n'existe plus. Il y a autant de nature qu'il y a de points de vue affectifs, désirants et pulsionnels sur cette nature. C'est une multinature qui éclate en fonction des pulsions prédatrices et des perspectives de pulsionnelles qui sont ouvertes sur le monde. Alors ça a fasciné les gens, et ça, pour des raisons qui sont des raisons, je dirais, d'inversion incroyable de notre grand monisme, de la nature, de l'objectivation de la nature, du sujet cartésien, etc., de la question de notre identité personnelle, etc. Or, il ne faut pas perdre de vue, et ça, je crois ne l'avoir jamais vu, et je le rattache à toutes sortes de choses que je vous ai racontées ces dernières années, il ne faut jamais perdre de vue que le perspectivisme, comme ce que je décrivais en Afrique de l'Ouest, chez les Libous, les Sérères, il y a quelque temps, comme une autre économie du mal qui repose sur la persécution et pas sur la culpabilité, le perspectivisme, c'est une réponse géniale au problème du mal et de la mort. Et comme dit de façon extraordinaire Vivero de Castro sur les Tupis Guarani, ces indigènes féroces, hein, très connus, Montaigne en part, c'est les Tupis Guarani qui sont dont il est question, qui viennent faire le voyage en France avec Jean de Léry et que rencontrent Montaigne. Et Montaigne est extrêmement impressionné par le caractère de. Il sent qu'il y a là une humanité où les figures du courage, par exemple du courage physique, et la manière de stupéfiante dont les. Il a très bien vu qu'ils sont capables d'inverser la perspective. C'est-à-dire que ce qui est stupéfiant, dit, il a très, parce que c'est un mode de pensée perspectiviste, c'est que ces Indiens qu'on a amenés à la cour du roi de France voient les choses et sont capables de voir les choses du point de vue des Européens sur les Américains, des Indiens sur les Européens. Hein. Le texte est assez fascinant d'ailleurs dans Montaigne. Il a très bien vu que là, on avait affaire à des gens qui n'étaient pas du tout des sauvages, hein, même si on savait à l'époque qu'ils étaient déjà des cannibales. Pourquoi c'est. Parce que Vivero de Castro dit contre la mort, eh bien, ils ont inventé quelque chose de génial. C'est que la meilleure défense, c'est l'attaque. Autrement dit, dans ce contre la mort, si la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est qu'il n'y a pas de plus belle fin pour un être humain que d'être dévoré. C'est-à-dire d'être dévoré par les dieux, d'être cuit, absorbé. Et que le mauvais corps que nous avons quand nous mourons, hein, ce mauvais corps qui pourrit, hein, on a un corps cru, on est en plein Lévi-Strauss, on a un corps cru, hein, si ce corps meurt simplement, le mauvais corps pourrit. Le bon corps est cuit par les dieux. Et ce qui fait que du coup, les dieux qui nous dévorent nous assimilent à leur chair et nous devenons à notre tour des dieux. Et donc, il n'y a pas de plus belle fin que d'être dévoré, d'échapper à la pourriture du mauvais cadavre. Hein, et qu'il a cette figure, le cogito cannibale. Le cogito cannibale, c'est « mange-moi ». Lorsque le guerrier est capturé à la guerre, il est fier, il n'a absolument aucune crainte. Il insulte le guerrier qu'il a capturé. « J'ai mangé ». Tes frères, j'ai mangé ta mère, j'ai mangé tes enfants, et quand tu me mangeras, c'est ta propre mère que tu vas manger. Pourquoi ? Pour susciter la vengeance. Parce que c'est une modalité du rapport humain dans lequel c'est en se vengeant et en se tuant les uns les autres que la mort apparaît pour ce qu'elle est, un pur passage entre la chair crue menacée de pourriture, et la chair cuite, divinisée. Et le monde humain, dans cette expérience de la guerre, de la vengeance, etc., le monde humain est pensé comme quelque chose d'essentiellement transitoire entre une nature extrêmement cruelle, hein, où tout le monde est la proie et le gibier d'un autre, et un monde surnaturel dans lequel nous sommes assimilés par notre propre chair, hein, au Dieu. Donc j'ai un mange-moi, hein, c'est ça. Et donc, les sociétés, ces sociétés-là, faites bien attention, c'est Vivero de Castro est formel là-dessus, ce ne sont pas du tout des sociétés qui se servent des distinctions entre les animaux, comme dans les sociétés totémiques, pour faire des distinctions entre les catégories, les moitiés sociales, les parties de village, avec le tatou d'un côté ou le pélican de l'autre. Hein. C'est absolument pas des sociétés comme ça, des sociétés avec très très très peu d'institutions. Quelques liens de quelques prohibitions, une prohibition de l'inceste, quelques échanges, etc., souvent des échanges entre cousins croisés, si ma mémoire est bonne, quasiment pas de poste institutionnel, etc. Aucune espèce d'ancrage dans la transmission entre les générations. Le monde social est quasiment amorphe. C'est l'opposé, si vous voulez, des Tupis Guarani, des gays en Amazonie. Les gays, c'est au contraire ceux qui ont le plus d'architecture sociale, institutionnelle extrêmement forte. Au contraire, ce sont des sociétés sans mémoire. Les grands-parents, par exemple, ça s'évanouit très vite parce qu'on n'a pas besoin de maintenir ce dispositif. Le monde humain, le monde social est quelque chose qui s'évanouit dans cette espèce de structure transitoire. Le monde social n'a pas besoin d'avoir une forme particulière. Il est un moment de devenir incarné par la mort, la plus belle mort étant celle d'être désiré pulsionnellement, dévoré, mangé, approprié charnellement par l'autre, voyez, qui nous transforme. Et ça, ça c'est une réponse fondamentale au mal et à la mort. C'est, mais pas du tout sur le mode de se battre contre elle, sur le mode de l'attaquer, hein, d'attaquer autrui pour, dans un système de vengeance réciproque, j'ai mangé tes frères, tu mangeras les miens, je te mangerai, etc. Ce qui fait que le monde est du coup pris dans ce que Diveros de Castro appelle un devenir permanent, becoming. C'est le même mot qu'on retrouvera chez Dion. C'est becoming, c'est-à-dire tout n'est que métamorphose, nous ne sommes que des formes transitoires qui sont prises pour être dévorées, assimilées, pulsionnellement emportées par des formes supérieures et inférieures. Remarquez ainsi que c'est un monde où tout est proie d'un certain point de vue et chasseur de l'autre. La ressemblance avec la paranoïa est complètement fascinante. Simplement, un paranoïaque, un persécuté persécuteur, quelqu'un qui projette ses pulsions dans l'image hallucinée d'autrui, n'est-ce pas, qui se sent surveillé par un regard qui n'est rien d'autre que le regard qu'il a installé projectivement dans autrui, c'est comme un toupie guarani qui aurait perdu son monde social, qui aurait perdu la forme de vie dans laquelle cette projectivité pourrait être organisatrice. Cette forme de, c'est une forme de vie où tout est organisé sur le mode violent. Hein, ce sont des guerres d'organisation. C'est un des problèmes des Tupi Guarani, c'est que c'est les guerres colossales qui se sont livrées les ont dessinées. Donc, même les Arawete sur lesquels a travaillé Viveros de Castro, je crois qu'il y en avait 100 ou 150 hein, quand il les a trouvés dans la forêt. Et en même temps, ce qui fait que justement il est paranoïaque, c'est que non seulement c'est comme un toupie guarani, je disais un peu fort, hein, mais enfin je trouve que l'image est parlante, dont la forme de vie sociale aurait été complètement abolie, mais en plus c'est quelqu'un qui injecte là-dedans une question de savoir. C'est quelqu'un, le paranoïaque que nous avons chez nous, qui à la différence du toupie guarani, a une connaissance projective de son objet. C'est-à-dire qu'il a des certitudes, il est pris dans un monde de l'individu moderne qui sait, qui est un sujet qui sait. Mais la matière projective dont il est fait, dont est fait son psychisme, est frappante. Elle ressemble extraordinairement à celle de ses toupies guarani. J'en tire une indication qui, moi, m'apporte énormément, puisque je me suis beaucoup intéressé à la question évidemment énigmatique de savoir si on peut psychanalyser un paranoïaque. C'est que si vous prenez les choses ainsi, il y a une strate légitime, une strate anthropologique légitime du monde projectif. Au sens, c'est pas du tout que cette strate est une strate archaïque qu'il faudrait avoir dépassée et intégrée pour atteindre l'individuation-séparation. Ce ne sont pas les mécanismes de défense archaïque du kleinisme première manière dont les fous et les enfants seraient les témoins avec leur phase schizo-paranoïde, parano-schizoïde. Non, ce n'est pas donc une régression psychologique, c'est la manifestation de la présence d'une projectivité et d'un perspectivisme et d'une position de notre vie intentionnelle en tant que nous rapportant à la fois comme objet désirant et comme pulsion à tous les êtres qui sont autour de nous et dans lesquels nous pouvons projeter notre affectivité. Cette strate-là, elle a quelque chose de légitime, et ce que les toupies guarani nous apprennent, c'est qu'elle peut constituer un monde et une forme de vie complètement invraisemblable pour nous. Enfin, quand vous lisez, c'est une sorte d'immense paradoxologie en quelque sorte, quand vous lisez un texte de Viveros de Castro, quand il décrit ce que c'est que le monde des chamans Tupi et Garay. Et d'ailleurs, je parle des chamans parce que c'est un monde, le monde Tupi-Guarani, où, pour laisser cette question de la paranoïa sur laquelle je reviendrai à la fin, le plus mauvais chasseur, c'est les chamans. Parce que le chaman, il se frotte les yeux, comme ça, et tout d'un coup, il voit un pécari. Ou alors, il voit un pécari, il se frotte les yeux, et il voit son cousin. Et donc, il voit des jaguars dans les hommes. Il voit des pécaris dans les hommes, ou des hommes dans les pécaris. D'où la question médico-légale. C'est-à-dire que tout est humain, et selon la façon dont vous êtes affecté, selon ce que vous avez comme vision, en particulier comme rêve, vous entrez dans un autre monde. Le rêve vous fait entrer dans un autre monde. En rêve, je vois mon cousin, je sais que c'est un pécari. Enfin, je sais, je l'imagine, je le vois figurer dans cet autre monde auquel le rêve ou le tabac ou le toxique m'a fait accéder, comme un pécari. D'où le problème médico-légal que cite dans une de ses conférences fascinantes Viveiros de Castro, où il y a des gens qui ont écrit... des chefs indiens qui ont dit « Ah non, mais il y a une erreur dans le journal, on n'a pas du tout compris ce qui s'est passé. En fait, c'était pas des pécaris, c'était ses cousins germains. » En portugais, le type, il écrit ça. Et donc, effectivement, les gens reçoivent, ils publient donc la mise au point du chef indien, etc., qui explique que « Non, il y a une erreur, en fait. » Et c'est pas qu'il l'a cru, que c'était des cousins ou des pécaris. Non, c'était des... Alors, évidemment, tout le monde était très embêté. Mais c'était un chaman. Les chamans, c'est des mauvais chasseurs, c'est bien connu. Voyez ainsi que le perspectivisme, ce qui donne son caractère vertigineux et paranoïaque au perspectivisme, c'est qu'il est toujours un double sens. Si la seule manière de comprendre ce que l'autre a l'intention de faire, c'est de se mettre à sa place, on ne peut se mettre qu'à la place de quelqu'un qui peut se mettre à la vôtre. Mais c'est le procès que les chefs indiens ont fait aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle « Pieds nus sur la terre sacrée ». Et en fait, ils disent ça aux Américains. Ils leur disent qu'eux se mettent à leur place, alors que les Américains ne sont pas capables de se mettre à la leur. Je vais tout de suite à mon mot de conclusion. C'est un passage très célèbre de Lévi-Strauss. Ça implique, ce perspectivisme, un déplacement par rapport à nous... de ce que c'est que l'esprit et le corps. C'est-à-dire que si, lorsque, au moment même où les inquisiteurs espagnols, face aux Indiens, se demandaient s'ils avaient une âme, que faisaient les Indiens ? Ils attrapaient des blancs et ils les noyaient pour voir si leur corps se putréfiait d'une manière différente d'eux. Parce qu'il n'y a aucun doute que tout étant humain, mon chasseur espagnol ou ma proie, dans son village, il a tout ce qui correspond analogiquement à moi. Mais son corps, le problème, c'est son corps. Pour les inquisiteurs espagnols, c'était la question de l'âme des Indiens. Mais pour les Indiens, c'était la question de la différence des corps. Est-ce que c'était des hommes comme nous ou est-ce que c'était des jaguars, les Espagnols ? Pour ça, il fallait examiner le corps et chercher dans la manière dont le corps est fait de quoi penser l'étrangeté de ces êtres faisant irruption dans leur monde. La manière dont ils pensaient l'altérité des Espagnols, c'est pas du tout en se demandant ce qu'ils avaient dans la tête, c'était se demander quel genre de corps, quelle espèce nouvelle dans le cosmos c'était. En voyant très bien qu'ils voulaient voler des terres, tuer, piller, manger, violer, etc. C'est que les affects, il n'y a aucun problème. C'est comme des jaguars ou des pécaris qui sont à une certaine place dans la prédation et dans le système général, le cosmos de la prédation, dans l'architecture intentionnelle de la prédation. Mais ce qui fait problème, c'est le corps. Et donc, vous voyez, repensez maintenant à comment on peut réintroduire dans ce que je viens de vous raconter quelque chose que Lévi-Strauss a parfaitement bien décrit dans la potière jalouse, qui est ces substitutions dites métaphoriques et métonymiques des choses. Ce que la bière est à l'homme, le sang l'est au jaguar. Tous ces dispositifs que vous trouvez et qui sont construits de manière structurale dans toutes les transformations du monde mythique amérindien. ça n'est plus une structure abstraite. Ce n'est plus une sorte de structure abstraite qui façonnerait l'esprit des Amérindiens de manière à ce qu'ils voient au sens cognitif les choses de cette manière-là, ou qu'ils aient des symboles. Ça n'a rien à voir avec du symbolisme. C'est les piliers, les centres de gravité, les points de retournement et d'inflexion topologique de leur forme de vie. Et cette forme de vie, vous voyez, j'insiste beaucoup là-dessus parce que dans les bouquins que j'ai récemment publiés, c'est un truc qui est la face au désastre, un thème très important chez Cavell, chez Sandra Laugier, chez Vinadas, etc. C'est pas une forme de vie au sens où ça dicterait une forme de vie, une forme sociale, vous voyez, ou une économie du langage. C'est une forme de vie au sens fort. C'est-à-dire que votre vie est retournée et articulée par rapport aux pulsions et à l'objet que vous êtes pour la pulsion des autres, et à la manière dont vous pouvez mettre tout cela en batterie pour répondre à la question du mal, de la mort, de l'épidémie de variole, de la famine, etc. Comment vous êtes consommé et comment vous consommez, en quelque sorte. Et d'une manière qui vous assimile ou vous désassimile aux animaux et aux dieux. C'est ça la question humaine fondamentale de la réponse au mal. Elle est articulée autour de ces systèmes d'analogie. Sauf que, au lieu de penser cela comme une distinction radicale entre la culture et la nature, tous ces dispositifs-là, homme, bière, jaguar, sang, ne sont jamais récupérés dans une ultime métaphore intégrative. Elles ne sont que les expressions d'une transformation permanente où il n'y a jamais rien de naturel qui ne soit déjà de la culture et jamais rien de culturel qui ne soit déjà naturel. Et ceci, c'est l'opération même de la pulsion qui le fait. Pas de la connaissance. Vous voyez, ça, à aucun moment, il y a d'un côté les hommes, de l'autre côté le reste de la nature. Un sujet et un objet objectivé par ce sujet transcendantal, par exemple, ou ce cogito cartésien. À aucun moment, c'est pris dans une économie de la pulsion. Et le guerrier cannibale devient ainsi un jaguar dans une transformation générale. Du coup, c'est une des conclusions les plus frappantes de Viveiros de Castro, chez nous, le problème, c'est le solipsisme. C'est-à-dire, comment est-ce que je sais si ce que chacun d'entre vous sait de lui-même, je peux le savoir? C'est la question de l'expérience privée. Elle est impossible et elle est nécessaire. Le cœur de notre conception, c'est pour ça que je cesse de vous dire Wittgenstein est génial, c'est qu'il marque toujours que le problème, c'est que l'expérience privée, c'est une illusion nécessaire, impossible à dissoudre, mais impossible à tenir en même temps dès le moment où vous parlez. Donc il n'y a pas, elle ne cesse de se multiplier, de se reprendre, etc., parce qu'elle est structurante, n'est-ce pas? Quand les inquisiteurs se demandent comment va-t-on savoir si les Indiens ont une âme, voilà. Ils riaient. Donc c'est au moment où les Indiens éclatent de rire du concile de Valladolid que on décide comme ça arbitrairement qu'ils ont une âme, parce que on suppose que c'est là l'expression d'une intériorité et d'une âme. C'est une décision comme ça qui est prise. Mais il n'y a évidemment pas de critères. Vous pourriez avoir affaire à des zombies. Je pense que, par exemple, si nous rencontrions des formes de vie extraterrestres, intelligentes, la question de savoir si c'est des intelligences artificielles développées et des robots, ou bien des êtres auxquels nous prêterions une conscience, serait évidemment par définition insoluble. Mais insoluble, non pas pour des raisons objectives, insoluble parce que notre culture rend totalement impensable d'appréhender autrui en dehors de ces paramètres dans lesquels la question du solipsisme est au cœur. Le problème de l'impossible nécessaire chez les Tupi Guarani, c'est le cannibalisme. Parce que, évidemment, en dévorant mes proies, je dévore ce que ces proies ont dévoré. Je suis toujours au bord de manger mon frère, mon cousin, mon père, ma mère, etc. Mais que c'est le seul moyen d'être dévoré par les dieux. Que mon double, parce qu'il y a un corps double, il y a le corps qui pourrait pourrir, Mais le corps que les autres vont cuire et manger va monter dans le ciel et renaître sous la forme de la chair des dieux. Et je vais devenir un dieu moi-même. Et donc c'est le solipsisme ou le cannibalisme, le choix que présente. Alors vous me direz, et la psychanalyse dans tout ça, surtout qu'il est 11h moins 20. Eh bien, je pense que ce que je vous ai apporté là, c'est peut-être un moyen pour penser la projectivité affective nue, sans y voir une carence ou une régression de forme supérieure d'individuation ou de personnification. C'est-à-dire que ce que ça nous aide à penser, c'est que la projectivité n'est pas archaïque par rapport à l'individuation-séparation, ou par rapport au refoulement, par exemple. Les grandes théories freudiennes, il n'a pas réussi à refouler, alors il a projeté, le pauvre. Voilà, ça vous a fait un mélancolique ou un paranoïaque, ou tout ce que vous voulez. C'est extrêmement sensible chez Mélanie Klein que ces mécanismes-là, elle les voit opératoires chez mes enfants, les nourrissons, et elle les voit opératoires parce qu'elle a accès à cette dimension dans laquelle que Lacan appelle quelquefois le transitivisme, enfin qu'ils essaient tous de récupérer d'une manière ou d'une autre, sans se douter à aucun moment qu'elle pourrait suffire à faire des formes de vie. Alors moi, ce que je trouve génial, et ce que m'apprend Viveiros de Castro, c'est que ça pourrait suffire à faire une forme de vie, mais un coût très important, c'est qu'il faudrait qu'il n'y ait pas la forme individu et que cette intentionnalité ne soit jamais prise pour une intentionnalité cognitive. C'est-à-dire que ça ne fait rien savoir de l'autre. L'horreur de l'existence paranoïaque, c'est que l'autre sait. L'autre sait, comme vous avez déjà vu ces entretiens, c'est pas la peine de parler, de vous dire, vous savez. Et que, la génialité que je trouve chez Bion, c'est d'avoir défait cette espèce d'asymétrie entre l'archaïque et le développé, d'avoir... n'est-ce pas cette espèce de supériorité qu'il y aurait dans la position dépressive par rapport à la position schizoparanoïde, comme si la position dépressive était intégrative, crée enfin ce qui est bien, c'est-à-dire l'individu comme personne séparée, etc., en pensant au contraire dialectiquement la relation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours du schizoparanoïde dans le dépressif, et que le schizoparanoïde, c'est déjà du dépressif qui fait consister déjà quelque chose, et qui est en soi-même une figure intégrative. Et pourquoi le fait-il? Parce que justement, il adopte un perspectivisme absolument permanent, où c'est toujours d'un vertex à l'autre que vous vous déplacez. Mais au lieu... vous voyez, de guider l'interprétation en termes de point de vue perspectif. Et si c'était du point de vue de, dit le bionien, n'est-ce pas, quand il fait son interprétation, au lieu de le guider en créant une sorte de téléologie qui viserait à intégrer toujours davantage et à individuer séparer le patient pour qu'il puisse laisser tomber des mécanismes de défense archaïques comme la projection, l'idéalisation, etc., l'identification projective devient, au fond, quelque chose qui n'est ni bien ni mal en soi, qui est l'espace à l'intérieur duquel deviennent possibles toutes les inversions perspectives. Et pour l'analyste, je crois que cette tension dialectique est essentielle, parce que je crois qu'il n'y a pas d'analyste de l'expérience que j'ai comme ça, de la mienne, d'avoir travaillé ou d'avoir des gens en contrôle, qui ne trouve quand même extrêmement impressionnant le fait de figurer pour la première fois dans les rêves de ses patients. C'est-à-dire que là, il y a quand même une énigme, c'est que tout d'un coup, le transfert, là, on ne rigole plus, c'est devenu quelque chose de psychique, on apparaît dans les rêves des patients extrêmement inquiets, ou extrêmement surpris, enfin en tout cas toujours affectés, viennent rapporter la chose. De même, beaucoup d'analystes ont beaucoup de mal à inclure la dimension du rêve qu'ils font de leurs patients dans le travail qu'ils font avec les patients. Parce que cette espèce d'interpénétration qui est essentielle, qui serait essentielle si nous étions des chamans en Amazonie, est pour nous totalement renversante. D'autant qu'il faut bien se rendre compte que le travail de l'analyste à cet égard est paranoïaque. Lorsque Freud dit que le transfert, c'est quelque chose qui se devine, ça ne s'observe pas. Ça ne se devine. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas soupçonneux et méfiant, il n'y a aucune espèce de raison que vous puissiez avoir accès au transfert. Le mode de donation cognitif du transfert, c'est qu'il se devine. Les gens qui l'observent, c'est des connards. C'est des gens, ils sont bons pour... mais même pas bons pour retourner sur le divan, il faut les en éloigner. N'est-ce pas ? Personne ne voit le transfert. Ce qui est important, c'est quand il le devine. Et il le devine avec quoi ? Il le devine avec la manière dont il en est affecté. Il le devine comme ça, comme on sent qu'une femme vous trompe ou qu'un enfant vous ment. Ça n'est strictement rien d'autre que ça. C'est-à-dire, par une esthésie qui est paranoïaque, la question étant de pouvoir la diriger, comme dit Lacan. Donc c'est là, c'est le lieu où quand Lacan dit qu'on dirige la paranoïa dans une analyse, c'est-à-dire que le moi de l'autre, le moi du patient ne va pas se demande ce que l'autre peut bien lui vouloir à l'écouter comme ça. Où est-ce qu'il l'emmène ? Et pourquoi il interprète ça comme ça ? Il y a toujours cette esthésie-là. C'est le Kleinien, c'est l'analyste qui prend tout comme une signification personnelle. D'ailleurs, quand on regarde les retranscriptions, c'est un côté extrêmement impressionnant. Alors c'est pour ça qu'effectivement, ils arrivent à se débrouiller avec les paranoïaques. Ils sont tellement plus paranoïaques que le paranoïaque qui vient les voir, qu'il y a par moments comme ça des espèces d'effets, comme ça, ils pompent en quelque sorte, ils absorbent l'excès comme du sopalin de la paranoïa du patient en étant encore plus paranoïaque que lui, ce qui est tout à fait frappant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, du coup, nous abstraire, ce que nous apprennent les Tupi Guarani, c'est que le fonctionnement pulsionnel, d'être objet de la pulsion de l'autre, ou d'être une pulsion qui met l'autre en position d'objet de désir, c'est l'espace à l'intérieur duquel nous pouvons penser, en dehors de toute contrainte cognitive, l'apparition et la disparition du rêve. De nos patients dans nos rêves, de nos analystes dans nos rêves, etc. En quelque sorte, en suspendant cette dimension qui est fondamentalement angoissante lorsque nous trouvons ça anormal. Ça n'est pas intrinsèquement anormal. Là où ça devient effectivement anormal, et c'est en général comme ça que se déclenchent les psychoses sur les divans, hein, c'est lorsque tout d'un coup, le patient ne peut plus traiter la présence de son analyste dans ses pensées que comme une présence cognitivement armée où le patient sait que l'analyste sait. Et là, ça s'arrête, hein, c'est des points comme ça. Est-ce que vous êtes sûr que votre téléphone est éteint ? Non, mais parce que il y a une phrase que j'ai dit dans la rue que quelqu'un m'a répétée. Comme je l'ai dit qu'ici, c'est que votre téléphone est allumé. C'est ces espèces, c'est ces moments-là où tout d'un coup, vous voyez qu'on est, on est passé du côté du cognitif. C'est-à-dire, tout d'un coup, ça fonctionne comme les autres savent. Les autres savent tout de moi, par exemple. Je suis devenu complètement transparent à autre. Et donc, le devinement, deviner le transfert, faire jouer ce qu'il faudrait bien donc appeler une paranoïa disciplinée, être intuitif, ça ne s'apprend pas, ça, être intuitif. Or, c'est le mode qui a l'air comme ça, cognitif, de rapport à ce qui se passe dans une séance, qui fait appel à des strates de la projectivité, des strates affectives, dans lesquelles la paranoïa est possible. Et que donc, vous voyez, c'est pour ça que quand je pose la question de savoir s'il est possible de psychanalyser un paranoïaque, non, jamais réussi, hein. Je ne dis pas du tout que c'est quelque chose qu'on peut... C'est une question pratique. Mais enfin, on sait bien qu'il y a des analystes qui sont paranoïaques. Ça existe, hein. Des gens qui reçoivent des patients qui sont des paranoïaques. C'est pas forcément des mauvais analystes. C'est ça qui est extrêmement important. C'est qu'il se peut bien qu'il y ait des modalités de la position paranoïaque, des modalités dans lesquelles les gens pourraient être capables de suspendre le rapport à quelque chose qui serait la dimension cognitive de leur déchiffrement d'autrui, et où quelque chose de l'ordre de l'intuition et du devinement serait possible. Et du coup, la réalité psychique, ce sera mon dernier propos, la réalité psychique, chez Freud, il ne fait aucun doute que la réalité psychique, c'est ce dont l'interprétation est vraie ou fausse. Le psychanalyste, c'est un type qui envoie des coups de sonde avec ses interprétations. Si ça répond, bingo. C'est tout bon, il a trouvé le désir, etc. Ça pose toutes sortes effectivement, de problèmes. Mais il n'y a aucun doute qu'il y a un réalisme épistémologique de la stratégie interprétative qui est comme ça. Ça répond ou ça répond pas. L'interprétation peut être vraie ou fausse. Et ça, vous voyez, c'est ce qui emprisonne la théorie freudienne du rêve dans un paradigme de psychologie objective. Très clairement. Ça ne veut pas dire que sans dépatouiller, c'est faire comme si on était des chamans guarani, au bassin de Rénoc. Hein. Ça veut dire qu'il y a une manière beaucoup plus cohérente et logique, et pas du tout New Age, complètement évaporé, comme ça, de penser l'identification projective, de réhabiliter les formes affectives de l'intuition et du devinement dans le rapport à nos patients, que nous ne sommes pas dispensés d'une expérience qui, dans d'autres cultures, a donné lieu à l'idée du voyage de l'âme, dans lequel on voyage, dans l'âme voyage, l'école, vient voir les choses du point de vue des, comme les chamans, du point de vue des pécaris ou des jaguars ou des tapis. C'est-à-dire d'un voyage de l'âme au pays de l'autre, avec un A majuscule. Et pourquoi, à ce moment-là, ce serait possible? Ce serait possible à cause du caractère trompeur ou inutilement aveuglant des apparences objectives et des perceptions. C'est un texte, si vous parliez des Indiens en Amérique du Nord, Viveros et Castro cite toujours ces documents où les Indiens ne cessent de dire aux anthropologues ne vous fiez pas aux apparences. Et ça ne veut absolument pas dire les apparences sont trompeuses. Ça veut dire les apparences ont cette forme de stabilité perceptive qui vous font échapper, qui font que l'essentiel vous échappe. Et l'essentiel, c'est la métamorphose infinie des formes les unes dans les autres. La seule chose qui restant stable, fixe, c'est les affects, c'est les désirs, c'est l'activité pulsionnelle, c'est la façon dont l'activité pulsionnelle se crée des objets. Et si on s'éloigne de cet univers-là, cet univers affectif, ce monde de l'autre dans lequel l'âme voyage, alors on est complètement malheureux. On croit tuer un pécari, alors que si on avait consulté les chamans, on se serait aperçu qu'on est en train de tuer son cousin. Ou des choses de ce genre. Et c'est ça qui me paraît très fort, c'est l'idée que ce qui est vraiment stable, c'est pas du tout les perceptions ou les choses du monde réel. Ce qui est stable, c'est la force des désirs et des affects. Et c'est ce sur quoi on doit se reposer. Ce qui fait que, du coup, de ce point de vue-là, le monde n'est pas un monde. Il est une multinature qui ne cesse de se transformer d'une perspective à l'autre. Il est quelque chose auquel on n'a accès que par l'intuition, le devinement. Le devinement n'est pas un mot de Bion. Intuition, je reviendrai sur ce terme d'autres fois, parce qu'il y a l'intuitionnisme chez Chinon, mais intuition, c'est vraiment le devinement, le erraten freudien, n'est-ce pas, quand Freud, c'est pas simplement le jeu de mots sur les rats qui compte, hein, c'est quand même un des endroits très forts où il dit que le transfert, ça se devine. Que ceux qui ne sont pas comme ça capables de deviner, C'est-à-dire, il n'y a aucune différence entre cette intuition-là et l'intuition du psychotique. C'est quelque chose de... Là, je crois on est aux limites des choses. La métamorphose permanente, la transformation des points de vue du monde, fait que l'accent passe essentiellement par le devine. Je ne veux pas du tout dire par là que je jette à la poubelle tout ce que Lacan apporte justement, en parlant d'analyse structurale, du fait que ça tourne à l'intérieur de certaines substitutions signifiantes qui sont des mythes qui se transforment les uns les autres. Tout ça tient parce que le cru est au cuit, la fumée est à la pourriture, ce que la cendre est à... Il y a toutes ces espèces de dispositifs qui font les mythologiques sur lesquels s'appuient Viveros et Castro. Simplement, ce que Viveros et Castro fait valoir, c'est que dans ces équivalences, n'est-ce pas, le sang, la bière de manioc, le jaguar, l'homme, c'est une forme de vie qui trouve là ces dispositifs de transformation. Ce sont des réversions et des inversions de l'intérieur, de l'extérieur, du monde divin, du monde souterrain, du monde des hommes, du monde des animaux, etc., dans lequel tout est humain. C'est le village des tapirs, le village des jaguars. Les jaguars n'ont jamais fait couler le sang. Ils sont comme nous, ils ne font que boire de la bière de manioc. Et c'est ça qui est la chose sidérante, c'est pas quand quelqu'un vous le dit et le vit de cette manière-là. Ils n'ont jamais fait couler le sang. Et lorsque le guerrier va à la guerre, il devient jaguar, c'est-à-dire qu'il se... Il se change, c'est pas qu'il devient un jaguar, c'est un devenir jaguar, il se jaguarise un peu comme ça, on va dire. Comme chez Spinoza, n'est-ce pas, c'est les modes propres du cheval, n'est-ce pas, le cheval, son être, c'est chevalisé. Il n'a pas un être avec une forme, c'est son mode d'action, sa manière d'être affecté, il chevalise. Je crois que c'est l'expression. C'est dans le grand scoli de la proposition 39 du livre 4 de l'éthique que Spinoza décrit cette chose invraisemblable d'un monde dans lequel il n'y a pas des êtres qui ont l'être en commun. Il y a des modes de la substance. Certains jaguarisent, c'est les jaguars. Certains chevalisent, c'est les chevaux. Et puis nous, nous sommes les hommes. Et donc notre mode, notre manière d'être affecté et d'affecter est entièrement dépendante de la modalité particulière que nous sommes de la substance. Et cette substance est infinie, et chacune exprime une essence, chaque essence singulière est une partie de l'essence infinie de Dieu ou de la nature. Voilà, je termine là-dessus sur cette référence à Spinoza. C'est une référence qui est indirecte chez Diderot et Castro, mais qui est quand même importante. Je crois que ça peut, vous voyez, nous aider à retrouver ce qu'il y a de complètement fou dans ce que nous faisons quand nous interprétons les rêves sous transfert ou quand nous parlons de nos rêves à des analystes. Il y a là une expérience qui nécessite d'aller jusqu'au bout du renversement anthropologique qui tout d'un coup est accessible et que pour le faire tenir debout, ce que propose Freud, il faut réussir à le désincarcérer, même de ce qu'a chez Freud et Mélanie Klein, hein, c'est-à-dire de l'idée que ce sont des formes archaïques. Il y a des formes de vie où ça peut suffire quelque chose comme ça. Et nous, n'est-ce pas, nous avons construit par-dessus toutes sortes d'échafaudages extrêmement différents qui font par exemple que nous avons des paranoïaques. J'ai souvent insisté chez les Lébous et les Serrères. La paranoïa, c'est la vie ordinaire, puisque le mal vient toujours de dehors, quoi, hein, dans les descriptions des orchis. Là, c'est une autre modalité, si vous voulez, mais ça nous fait bien sentir ce que c'est que le moi que nous avons mis par-dessus ces dispositifs. Et ça ouvre, je crois, un autre regard sur ces mots dangereux qu'on emploie, ou incompréhensibles quand Lacan parle de l'analyse comme paranoïa dirigée, de la paranoïa comme une psychose qui est... Il n'y a qu'une question préliminaire au traitement de la psychose, paranoïaque par exemple, ou bien ce que vous trouvez dans certaines manières de faire des psychanalystes kleiniens, qui foncent. On ne devient kleinien que lorsqu'on est capable de n'interpréter que le transfert sur le mode de la signification personnelle. Ça, vous sentez bien que c'est une mutation subjective qui ne s'obtient pas comme ça. Explique pourquoi les séances sont très longues, les analyses sont très longues et extrêmement fréquentes. C'est un remodelage psychique d'une singularité tout à fait frappante. Merci de m'avoir écouté jusqu'à 11h. C'est la première fois que j'ai réussi à faire ça.